Retournons en arrière. Vous entendez parler de ce type du nom de curveball. On vous dit d'aller voir ça de plus près, ou bien vous vous dites qu'il faut vérifier et trouver qui il est exactement. Non, on me demande de voir si on peut y avoir accès directement. Parce que les Allemands ne nous avaient pas laissé lui parler directement. Alors comment vous faites? On va parler aux types qui s'en occupent et qui ont dit « Ce mec a des gros problèmes, il est instable ». Ils n'ont jamais dit que c'était un affabulateur. Il y a un type qui m'a dit en personne, il m'a pas dit de manière officielle que curveball inventé, mais il m'a dit « Je crois que c'est un affabulateur ». Mais il a aussi dit « On n'arrive pas à vérifier ses dires parce que c'est notre seule source et personne n'a d'autres sources ». On n'a pas trouvé qui que ce soit pour confirmer ce qu'il dit. On ne peut pas authentifier ses histoires. La seule chose qu'on peut faire, c'est vous transmettre ce qu'il dit et qu'il a répété plusieurs fois sans varier. On vous l'a dit comment ça? En personne? Au téléphone? Ça, c'était en personne. Mais ensuite, plus tard, ils ont aussi écrit une lettre à Tennet qu'il a approuvée. C'était en janvier, ça. Ou peut-être en décembre 2002. Ils ont dit « Allez les voir, les renseignements allemands. Demandez-leur si on peut utiliser ces infos. S'ils veulent bien, est-ce qu'ils peuvent garantir qu'il ne va pas se contredire lui-même, se présenter tout d'un coup au président ou à Powell pour dire que tout ça est faux ?» Or, les Allemands étaient parfaitement constants. Ils étaient très professionnels et ils ont dit « Il n'y a que ce qu'il affirme. Nous vous avons dit ce qu'il raconte. » Nous vous avons dit que c'est une personne à problème. Nous vous avons aussi dit qu'on n'arrive pas à vérifier ce qu'il dit. Mais si vous voulez vous servir de ces infos, allez-y. Et on ne vous laissera pas lui parler directement. Pourquoi ça? Je crois que c'est juste une question de fierté professionnelle. Il est à nous comme ça. Il était à eux. Ce que le type m'avait dit, que Curveball détestait les Américains, ça s'est révélé faux. Ceci dit, nous aurions fait la même chose. Ils nous ont dit, c'est toute l'info qu'on a, la voici. Pourquoi est-ce que vous seriez plus malin que nous? Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est comme ça que ça marche chez nous. Il faut qu'on voie de nos propres yeux. Et on a insisté, insisté. Ça a presque pris une année entière. Et Tennet a vraiment fait pression de tout son poids vers la fin pour qu'il nous laisse le voir. Mais même là, il ne voulait vraiment pas nous laisser lui parler. Les agents qui s'occupaient de lui au jour le jour étaient furieux. Et j'aurais ressenti la même chose à leur place. Parce que l'implication, c'est « Ok, Big Brother est arrivé, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. » Alors qu'en fait, ils avaient mis dans le mille depuis le début. Ils ont fait exactement ce qui s'imposait. Ils ont dit « Voilà ce qu'on a, on ne peut pas vérifier ces infos, ça a l'air très important. Vous, l'immense pays, la grande puissance, vous devriez y jeter un œil et nous dire si vous pouvez confirmer tout ça. » Et personne n'a réussi à le faire. Ensuite, ça a échappé à tout contrôle. Bon, donc, il y a ce type qui raconte qu'il y a des armes chimiques, des armes biologiques. Dans des labos mobiles, c'est bien ça? Il avait parlé d'une usine qui fabriquait ces armes-là, et aussi de la construction de labos mobiles. Personne ne les avait vus, et les inspecteurs étaient bouleversés. David Kay, qui était à la tête du groupe d'inspecteurs en Irak, et les autres gardes avant lui, il disait « Comment voulez-vous trouver ça? Ils n'auront qu'à passer leur temps sur les routes du pays dans ces labos mobiles. » Un gars de l'agence m'a dit, en se remémorant plus tard, à un moment plus calme, je n'ai jamais pensé qu'ils avaient quoi que ce soit en matière d'armement, parce qu'après la première guerre du Golfe, on en avait détruit des tonnes et des tonnes. Ils avaient tout ça au moment de la première guerre du Golfe, c'est vrai, et leur programme nucléaire était très avancé, mais tout ça avait été détruit. Les inspecteurs, quoi qu'on pense d'eux, ils étaient sur place, c'était un harcèlement sérieux pour les Irakiens. Alors de là à penser que les Irakiens pouvaient monter des usines souterraines comme au temps de l'Allemagne nazie pour produire des armes biologiques et nucléaires, il m'a dit « Honnêtement, il y a un sacré pas à franchir. » Mais personne n'avait l'air de se rappeler de ça à l'époque. C'était un peu comme une folie. Je veux dire, on était furieux et on était complètement, ouais. Ils voulaient frapper fort, détruire un ennemi, et Saddam était un facteur de déstabilisation de la région, c'était un point de vue légitime. Il avait violé tous les traités signés, les raisons ne manquaient pas de faire la guerre à Saddam. C'est bien ça la tragédie maintenant qu'on s'y est pris comme ça. Tant qu'ils ne peuvent pas admettre la vraie raison pour laquelle ils ont entamé cette guerre, ils n'arriveront pas à s'en sortir. Il faut qu'ils admettent tout ça pour pouvoir commencer à se faire à l'idée de tout ce qu'il va falloir faire ensuite pour s'en sortir sans que le pays ne sombre dans le chaos total. Revenons sur Curveball un instant. Vous pensiez sûrement, dites-moi si c'était le cas ou non, qu'il y avait plus de preuves derrière tous ces rapports successifs que les seuls dires de Curveball. Absolument. J'ai dit, ça peut pas être le seul dossier, c'est une affaire un peu farfelue. Pas vraiment farfelue, mais disons, c'était un peu une plaisanterie ce dossier. Et étant donné qu'il y avait des dizaines de milliers de soldats sur place au Moyen-Orient, nos arguments ne pouvaient pas être fondés sur ce cas unique. Qu'est-ce qui en fait une plaisanterie? Tout ce qui y touche. La totale, la façon dont ils ont géré le dossier. Ils ne pouvaient pas confirmer ces dires, c'était un mec bizarre. Quand un service de renseignement étranger vous dit « voilà, on a cette source, voilà ce qu'il dit, mais on ne peut pas confirmer ni infirmer ces dires », ça devrait suffire à vous faire réfléchir, c'est un signe. Ils nous disaient « on n'est pas des irresponsables, on ne veut pas s'asseoir sur ces informations, mais voilà toute la vérité sur cette affaire ». Quand je suis revenu de cette réunion, j'ai dit au chef du groupe qui travaillait en coopération avec les Allemands « tu ferais mieux de t'en occuper, va creuser cette histoire, il doit y avoir plus ». Ils ont creusé, ils ont déniché tous ces détails et puis ensuite a commencé cette longue discussion à propos de Curveball qui a duré tout l'automne 2002. Nous, on disait « nous n'avons pas d'informations sur la science à l'œuvre derrière ces histoires » de Labo Mobile. Je ne sais pas s'ils sont vraiment capables de faire tout ça. Je ne sais pas si ça tient debout. Attendez un peu. Vous dites qu'il y a eu une discussion à l'automne. Et pourtant, toutes les informations de Curveball apparaissent dans le rapport NIE, servent même de fondation au NIE. Oui. En fait, quand on m'a demandé d'aller vérifier tout ça, le brouillon du NIE avait déjà été écrit. Il était presque fini. On m'a demandé d'aller voir parce que certains disaient « on ferait mieux d'en savoir plus sur cette source ». Je ne savais pas tout ça à l'époque. Évidemment, ceux qui avaient écrit le NIE étaient impliqués émotionnellement. C'était un gros enjeu pour eux, défendre leur point de vue et leur analyse de la situation. Je me suis plutôt tenu à l'écart. Le chef des opérations et le chef du groupe ont géré l'histoire parce que ça se passait à ce niveau-là. C'était les réunions les plus furieuses, belliqueuses que j'ai jamais vues. Le WinPAC était décidé, dur comme fer. Il pensait qu'on ne faisait qu'inventer des complications indésirables. Tandis que de notre point de vue professionnel, le côté opérationnel de tout ça était vraiment très faible. Et en plus, il n'existait aucune validation de la source. Personne n'avait jamais rien vu, et personne de chez nous n'avait jamais eu avec lui, Curveball, une vraie discussion. Vous dites furieuse et belliqueuse, est-ce qu'il avait des cris? Oh oui, une réunion très stridente, des mots très forts. Quel genre de mots très forts? Des jurons, beaucoup de colère et des accusations. Vous ne savez vraiment pas de quoi vous parlez, scientifiquement ça se tient tout à fait. Suivi de « Et vous, comment vous savez que ça se tient scientifiquement? Eh ben on a vérifié sur Internet. Et vous pensez pas qu'il a pu faire exactement la même chose ?» Beaucoup de dialogues pied à pied dans ce genre. On dirait une dispute entre croyants et sceptiques, oui. Ensuite, évidemment, on se hérissait et nous aussi, on se retrouvait en colère. Et dans tout ça, je ne sais plus exactement dans quel ordre ça s'est passé exactement. Tous ces emails, ces résumés, tout le travail qu'on avait fait s'est retrouvé envoyé à l'assistant spécial de McLaughlin pour qu'il ait tout. Je voulais vraiment être certain qu'il possédait toutes les infos à ce moment-là. J'ai commencé à me dire, même moi, qu'il se passait un truc, que c'était vraiment un élément crucial. À ce moment-là, vous aviez compris qu'il était la source principale, la seule source? À ce moment-là, oui. Comment vous avez compris? Vous avez appris quelque chose de nouveau? Je l'ai su par le chef de cabinet de McLaughlin. On discutait et il me dit « J'espère que c'est vrai, parce que c'est le seul aspect solide du NIE. » Je lui ai dit « Dites-moi que c'est une plaisanterie. » Il m'a répondu « Non, c'est vrai, c'est la seule partie du NIE qui soit solide. » J'ai fait « Nom de Dieu. » Et ce nom de Dieu, c'était pourquoi ? Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Ça voulait dire « Si le NIE représente l'opinion à partir de laquelle ils vont se fonder pour partir en guerre », ce qui était le cas. Il y avait encore trop de questions qui se posaient sur la validité de cette source. Et partir en guerre sur un truc comme ça, j'ai dit « On va finir par être responsable d'avoir déclaré une guerre s'ils ne font pas quelque chose. » Et donc vous raccrochez le téléphone après cette conversation avec ce type. Et vous vous dites quoi ? J'ai fait venir la chef de groupe qui travaillait là-dessus, et elle m'a dit « C'est ce que j'essaye de vous dire depuis 2 mois. » J'ai dit « Oui, mais je pensais qu'ils avaient d'autres sources. » « Non, c'est tout ce qu'ils ont. C'est bien pour ça qu'ils se battent tellement pour faire authentifier cette source-là. » C'est un vrai haut-le-cœur à ce moment-là, non ? Oui. Il y a eu une réunion le 19 ou le 20 décembre 2002, où ils ont vraiment débattu. Et puis, ça s'est calmé. Début janvier, on n'en entendait plus parler. Vous pensiez que c'était réglé. On se concentrait sur d'autres choses. Il se passait beaucoup de choses en Europe au niveau terrorisme à ce moment-là. Je savais que ce n'était pas réglé. On n'avait rien résolu, ça restait là en suspens. Et puis, on a commencé à entendre ces petits bruits, que peut-être l'info allait être mentionnée dans le discours traditionnel annuel sur l'état de l'Union. Peut-être dans un discours à l'ONU. C'est là qu'ils ont voulu envoyer ce téléx en Allemagne, demander aux Allemands s'ils peuvent authentifier ces histoires. Et en retour, on a eu « Vous êtes libre d'utiliser ces infos, mais on ne peut rien garantir. » Et puis, le président en a parlé dans son discours sur l'état de l'Union. Et là, les Allemands m'appellent et me demandent « Qu'est-ce qui se passe ? Vous aviez promis de ne pas utiliser l'info sans nous prévenir. » J'ai dit « Il ne nous a pas prévenus non plus. » Vous ne saviez pas que ça allait figurer dans le discours sur l'état de l'Union ? Non, pas dans ce discours-là. Ça a vraiment été une surprise. Vous voulez rire ? Le directeur de la CIA surpris ? C'est possible que lui ait su. Moi, je ne savais pas. C'est clair que des gens du WinPAC étaient au courant, puisque c'est sûrement eux qui ont écrit cette partie-là du discours. Mais la semaine d'après, pendant qu'il préparait le discours de Powell à l'ONU de février, le gars au centre du contre-renseignement qui s'occupait de vérifier les faits inclus dans le discours, lui, il a soulevé le problème. Il nous a dit « Cette partie-là, elle est pour vous. » On l'a prise et on l'a lue. Et j'ai dit « Bon, c'est toutes les infos curveball. » À ce moment-là, c'est une conversation avec qui ? Le chef des opérations et mon directeur exécutif. J'ai appelé le gars qui était chef de cabinet auprès de McLaughlin et je lui ai dit « Je n'approuve pas tout à fait que vous utilisiez toutes ces informations. Si vous déclarez que vous passez outre mon opinion et que vous voulez vraiment vous en servir, d'accord. Mais moi, j'ai des sérieux doutes à propos de ces infos. » « Ne bougez pas, » il m'a dit, « je vous rappelle tout de suite. » Et il me rappelle et dit « Venez donc nous voir, John voudrait vous parler. » Donc j'y vais et on fait une réunion dans la petite salle de conférence chez McLaughlin. Et là je dis « Je pense que ce type est peut-être un affabulateur. » On revoit tout, on reparle de tout. Ils savaient, puisqu'ils avaient vu tous les emails et tout ce qui avait déjà été discuté auparavant. Et John dit « Mon Dieu, j'espère que non. » Et je lui réponds « Moi, je crois bien. » Alors il se retourne vers son chef de cabinet et il dit « Creuse-moi ça, va voir si tu peux en avoir le cœur net. » Ce qui est un peu bizarre quand même, puisqu'on avait passé tout l'automne à en parler. Je me suis dit « Quoi, c'est la première fois que vous entendez ça ? C'est pas possible, vous en avez forcément déjà entendu parler. Ces types, on leur fait des topos tout le temps. Le chef de cabinet leur fait des topos. Et puis leurs assistants exécutifs sont des types malins. » Pourquoi aurait-il fait semblant de ne jamais avoir entendu dire ça? C'est possible qu'il ne sache pas. Mais encore une fois, il était DDCI, Deputy Director of Central Intelligence, sous-directeur de la CIA. Il avait des milliers de choses à penser. Je crois qu'à ce moment-là, il s'était déjà auto-persuadé, qu'il s'était dit « Bon, la décision est prise, on va adopter la position du Winpack. » Et peut-être qu'ils étaient surpris qu'on n'ait pas encore laissé tomber. Ça l'a vraiment interpellé, ça. Parce qu'il me connaissait, ça faisait 20 ans qu'on se connaissait. Et donc il a dit « Creusez-moi ça ». Ensuite, je suis retourné à mon bureau et j'ai dit « Voilà ce qu'on va faire. Toute la section du discours dont on pense qu'il ne faut pas l'utiliser, on l'entoure bien et on lui renvoie le tout. » J'ai dit à l'officier exécutif « Maintenez le contact avec le personnel là-haut, vérifiez qu'ils reçoivent bien la bonne version. » Et lui, plus tard, m'a dit « C'est bon, ils vont l'enlever. » Et puis, la veille du discours, c'est le moment du fameux coup de fil avec Tenet. C'est assez drôle, en fait. Tenet et moi, on a été amis pendant des années, mais ça, à mon avis, ça a vraiment mis à mal notre amitié. Et pourtant, en réalité, ce coup de fil était complètement inutile, parce qu'à ce moment-là, le discours final était déjà écrit. Ils étaient déjà à New York. Le discours avait lieu le lendemain. J'appelle pour transmettre le numéro de téléphone du chef du service Europe et au moment où je l'ai, au bout du fil, je lui dis « Chef, ces infos en provenance des Allemands, elles sont problématiques, tu sais bien. » Et il m'a dit « Oui, on le sait, ne t'inquiète pas, on maîtrise. » Alors moi, je me suis dit « Ok, c'est réglé. » Et puis je suis parti me coucher, confiant, persuadé qu'ils avaient supprimé la partie douteuse. Le lendemain, c'est ma femme qui m'a appelé pour me dire « Powell est en direct, je pense qu'il faut que tu vois ça. » Je mets CNN, enfin la chaîne où ça passait, et on arrive au moment où il en parle. Et je me dis, c'est les infos curveball. J'appelle l'agent exécutif et je lui demande, est-ce qu'on leur a envoyé le mauvais discours? C'est le premier truc que j'ai pensé, qu'on s'était planté, que c'était un micmac bureaucratique. Elle me répond, non, c'est juste qu'ils l'ont dit quand même. Je ne sais pas pourquoi ou comment ils ont décidé d'utiliser ça, ni ce qu'ils ont décidé précisément. Je n'en ai aucune idée.